Madame Désirée Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Beaucoup de gens ne se font pas ni dépister ni soigner la tuberculose alors qu'ils présentent des signes. Déclaration ce vendredi de la directrice générale chargée des services de santé et de la lutte contre le sida. C'était lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose normalement célébrée le 24 mars. La pénurie des produits Braroudia pour conséquence la diminution des recettes fiscales et la perte de la confiance et l'image de l'entreprise. Vous entendrez les explications d'un économiste. Une centaine de ménages de la communauté Batoua de la commune Ruhurura en province Ngozi craignent que leurs maisons ne se démolissent parce qu'aujourd'hui non couvertes. Et puis, le réseau des associations des personnes handicapées au Burundi demande que les personnes vivant avec un handicap soient associées dans le prochain processus électoral. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. La directrice générale chargée des services de santé et de la lutte contre le VIH-Sida indique qu'il y a beaucoup de gens qui ne se font ni dépister ni soigner la tuberculose alors qu'ils portent les signes. Ainsi, elle invite les animateurs sociaux et les organisations de lutte contre la tuberculose de convaincre de tels gens pour qu'ils fréquentent les structures de soins. C'était ce vendredi à Gitega lors des festivités de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose alors que le monde célèbre le 24 mars de chaque année. Gérard Nibigira. La directrice générale chargée des services de santé et de la lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida, Dr Clophile Akindavie, indique qu'il y a encore beaucoup à faire pour éradiquer la tuberculose au Burundi, du moment que les statistiques montrent que l'année dernière, il y a eu plus de 7700 personnes souffrant de cette maladie et qui se sont fait régulièrement soigner, avec plus de 4800 personnes soupçonnées de souffrir de cette maladie qui ne se sont cependant pas fait ni dépister ni soigner. Ainsi, elle regrette le fait que très peu de gens souffrant de la tuberculose se fait dépister et soigner. C'est pour cela qu'elle invite la population en général, les animateurs sociaux et les organisations de lutte contre la tuberculose de convaincre toute personne portant des signes de la tuberculose de fréquenter une structure de soins la plus proche. Elle révèle les signes de cette maladie telles la fièvre, la sueur nocturne, l'inappétence, l'amaigrissement et la faiblesse générale et permanente. Elle ajoute que quand un tuberculé prend des médicaments pendant un certain temps, il ne contamine plus les autres, donc les personnes souffrant de la tuberculose ne devraient pas être stigmatisées, mais plutôt leurs proches devraient les encourager et les soutenir pour qu'elles prennent convenablement les médicaments. Un représentant des tuberculés a remercié le gouvernement du Burundi pour les soins gratuits de bonne qualité dont il y bénéficie. Les festivités marquant la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose se sont déroulées à Gitega ce vendredi 29 avril 2024 au centre de santé de Gitega qui soigne les personnes souffrant de cette maladie sous le thème, je cite, « Oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose », fin de citation. Mais le monde célèbre cette journée le 24 mars de chaque année. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Économie à présent, la diminution des recettes fiscales et la perte de la confiance et l'image de l'entreprise sont quelques-unes des conséquences de la pénurie des produits Braroudi. Explication de l'économiste et professeur de l'université Diomède Ninhéletse sur base de l'augmentation des consommateurs de ces boissons à travers le pays. Cet expert parle d'une situation anormale pour le pays. C'est quand même une situation anormale. La première conséquence qu'il faut absolument souligner, c'est l'impact sur l'économie locale. Voilà, la Braroudi, c'est une entreprise qui est connue au Burundi. Ces produits vont entraîner seulement une baisse des revenus pour cette entreprise. Or, cette entreprise contribue énormément au niveau des recettes fiscales, même au niveau de l'impôt. Ceci pourra effectivement contribuer à la diminution des revenus du pays, mais aussi ce qu'il faut signaler par rapport à l'économie locale, ça va affecter les emplois liés à la production, mais les emplois aussi liés à la distribution, à la vente de ces boissons. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui vient au moment où le Burundi se retrouve dans les pays, voilà, les plus pauvres, qui devraient nécessairement augmenter beaucoup plus la production. Oh, la Brarudi, effectivement, contribue énormément dans l'économie du Burundi. La deuxième observation, c'est la perte de revenus pour les commerçants et si les impôts et taxes. Donc vous comprenez très bien qu'il y a des taillas qui dépendent des produits de la Brarudi pour leur chiffre d'affaires pourraient souffrir. D'ailleurs, ils ont commencé à souffrir pour les pertes financières à raison de la pénurie, car ils ne pourraient pas vendre les produits populaires qui attirent les clients. Donc ça, c'est aussi la seconde observation. La troisième observation qu'il faut tenir compte, d'ailleurs qui est plus grave, c'est l'impact sur la santé publique. Si les boissons de la Brarudi sont populaires au Burundi, là je pense que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, la pénurie va finalement probablement pousser certains consommateurs à se tourner vers d'autres produits alternatifs, les produits alcoolisés, plus alcoolisés, à bon marché si vous voulez. La quatrième conséquence qui n'est pas la moindre, c'est notamment la tension sociale. La pénurie de produits de consommation de Brarudi, effectivement, vous savez, nous faisons beaucoup de fêtes, et c'est pendant ces fêtes sociales où on consomme les produits Brarudi. Donc ceci entraîne effectivement des conséquences néfastes. Mais la dernière chose que je peux dire, c'est l'impact sur l'image de l'entreprise. Diomede Ninheretse, enseignant d'université et économiste, il parle également et suggère au gouvernement burundais d'encourager les importations et l'accès aux devises. Économie toujours, plus de 83 milliards de nos francs, tel est le montant que les entreprises étatiques et para-étatiques ont versé dans les caisses de l'État. Cela figure dans l'analyse budgétaire exercice 2022-2023, et cela étant, les entreprises telles que l'ONATEL, l'ONA et Otraco n'ont rien versé dans le trésor public. Lors de l'analyse budgétaire exercice 2022-2023, c'était à l'Assemblée nationale ce vendredi, certains députés ont présenté des inquiétudes pourquoi le gouvernement finance les entreprises qui n'apportent rien, Lydie Gahimbari. Le rapport de la Commission permanente des comptes publics et finances montre que certaines sociétés à participation publique comme Otraco, Cogerco, Onatel et la Banque d'investissement des jeunes et d'autres sociétés n'ont pas accordé leurs dividendes à l'État au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023. Certains députés ont soulevé des inquiétudes en voulant savoir pourquoi les sociétés para-étatiques n'augmentaient pas leur production pour avoir des dividendes à distribuer à l'État. Les députés Joki Chantal et Prosmani Lambona se demandent comment les résultats de certaines sociétés comme par exemple Onatour, l'ONA, la régie de production pédagogique, leurs résultats sont négatifs. Selon eux, où réside le problème? Pourquoi ces résultats toujours négatifs? Sur ce, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, l'invité à l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il y a des changements au niveau de certaines entreprises, en commençant par l'audit interne dans certains services. Il y a aussi des changements détectés légaux dans certaines entreprises. Selon lui, cela va permettre l'augmentation de la production et le bon fonctionnement de ces sociétés. Après analyse, ce projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire exercice 2022-2023 a été adopté à 85,2% et 15 abstentions. Merci Lydie Gahimbari. L'économie toujours relancer les relations diplomatiques qui ont été ternies en 2015 et mettre en avant la bonne gouvernance. Ce sont là des obligations pour le Burundi afin de concrétiser la vision d'un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Ceci est dit par le directeur national de l'organisation PARSEM après la publication par le gouvernement du contenu de cette vision. Dans une conférence de presse de ce vendredi, Faustin Ndikumana appelle le secrétariat général du parti au pouvoir à ne pas s'ingérer dans les affaires de l'exécutif. On l'écoute. Encore une fois, troisième contradiction. On ne peut pas décoller alors qu'on n'a pas de trajectoire. Ces documents de vision qu'on est là, on parle de vision, mais le contenu. Est-ce qu'on sait vraiment un jour organiser des débats sur les piliers contenus dans ces documents. Vision, engagement de l'État, partenariat futur. Au niveau du PND, il y a renforcement, bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Et il y a la coopération et la mobilisation des ressources. Est-ce qu'il y a eu vraiment un jour un débat sur ces piliers? Quand on parle de la vision, on ne veut pas entrer en profondeur. Ces documents, on ne les exploite pas. Et on fait sciemment parce que si on les exploite, il y aurait des recommandations lourdes qui pourraient peser sur les autorités qui veulent les mettre en application. On ne peut pas découvrir qu'on n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources en devise dans l'urgence. C'est pas possible. Normalement, on a un parti au pouvoir. Si on a un parti au pouvoir, il donne les candidats aux élections. Ça veut dire que au niveau le plus élevé, c'est le président de la République. C'est un candidat du parti au pouvoir qui a été élu au suffrage universel. C'est lui alors qui est en charge de la gestion de la nation. Donc, toutes les essais subalternes doivent obéir à lui. Sinon, il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Le gouvernement donne le rapport au ministre de l'Intérieur. Le gouvernement ne peut pas donner rapport au président du parti politique au pouvoir. Donc, c'est cela qu'il faut éviter. En bref, sur la page diplomatique, célébration ce vendredi du 60e anniversaire de l'Union du Tanganyika et de Zanzibar devenue la République unie de Tanzanie. Plusieurs présidents, dont le président de la République du Burundi, ont répondu présents à ces festivités. Evariste Ndayishimiye a déclaré que les citoyens burundais et tanzaniens entretiennent une bonne cohabitation, bien que selon lui, les colonialistes aient fixé une frontière entre les deux pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous poursuivons avec cette édition. Sandra Mohoza, journaliste de la Nova Burundi, est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril cette année. Les informations fournies par ses avocats indiquent qu'elle est poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Des sources proches de sa famille et son employeur précisent que Mohoza venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations. Les cinq organisations des professionnels des médias réunies au sein de la Maison de la Presse du Burundi disent avoir appris avec regret la privation de liberté de Sandra. Dans un communiqué de presse du 18 avril cette année, ces organisations souhaitent qu'elle soit relâchée et demandent que les enquêtes soient effectuées dans le strict respect de la loi. De son côté, Reporters sans frontières dénonce dans un communiqué de presse de ce 25 avril une détention arbitraire et exige des autorités sa libération immédiate. Droits de l'homme et le réseau des associations des personnes handicapées au Burundi demandent que le prochain processus électoral soit inclusif afin que les personnes vivant avec un handicap puissent contribuer. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, Alexis Hatungimana, représentant légal de l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, appelle à ce que dans le recensement prochain de la population, il puisse être déterminé les statistiques de ces personnes. Selon lui, cela permettrait à la CENI de prendre des mesures qui tiennent compte de cette catégorie, comme par exemple les bureaux de vote accessibles à tous. Nous souhaiterions que la loi législative des prochaines élections de 2025 soit inclusive pour ne laisser personne derrière, car les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres. Nous sollicitons à son Excellence Général-Major, Président de la République du Burundi, bien que la Constitution du Burundi ne le prévoit pas, de recommander par mesure la cooptation des personnes handicapées dans les instances de prise de décision. Au gouvernement du Burundi, de mettre tout son mieux pour préserver les droits des personnes vivant avec handicap, car ce ne sont pas elles-mêmes qui ont choisi leur état de choses, en mettant en place les tests d'application et politiques sectorielles pour l'inclusion du handicap. Aux honorables parlementaires, de voter des lois qui protègent tout le monde, y compris les personnes handicapées, et de revisiter la loi sur les élections pour inclure cette catégorie de personnes. À la CENI, de prendre des mesures pour rendre les bureaux de vote plus accessibles, sensibles, sensibiliser le public pour que la personne handicapée, de tout type de handicap, a le droit de voter et connaisse les mesures spéciales mises en place pour lui permettre sa pleine participation dans le processus électoral. Il faut que la CENI exige aux partis politiques l'inclusion des personnes handicapées dans leurs projets de société. Bien que d'autres initiatives aient été entreprises, la représentativité des personnes handicapées préoccupe plus d'un dans la sphère du mouvement du handicap. Les services en charge des statistiques au Burundi n'ont pas de chiffres exacts des personnes handicapées, ce qui fait que les politiques et programmes du pays ne tiennent pas compte de cette catégorie, alors que nombreuses sont leurs estimations signalées par l'OMS. Alexis Hatungimana, représentant légal de l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, dont les propos ont été recueillis par de Reb Ingabire. Et droits de l'homme, toujours, une centaine de ménages de la communauté Batwa de la commune Ruhororo en province Ngozi craignent la démolition de leurs maisons aujourd'hui non couvertes. Ils demandent par conséquent que leur soient remises les tôles promises afin d'éviter cette démolition. Lors d'une descente effectuée dans cette commune ce jeudi, le gouverneur de la province Ngozi affirme que ce problème est connu et que l'administration est à la recherche de ces tôles. Apollinaire Muzagara. Cyprien Mapiki, représentant la communauté Batwa en commune de Ruhororo de la province Ngozi, dit avoir bien accueilli l'aide en tôle du gouvernement destinée à la couverture de 400 maisons de ces Batwa. Mais il indique qu'il y en a d'autres maisons, une centaine en briques adobe, qui ont toujours besoin de tôle, surtout dans cette période pluvieuse. Ces derniers risquent d'être démolis, selon lui, et demandent une intervention rapide afin de les protéger. Ce représentant de l'Uniproba dans cette commune Ruhororo parle aussi de difficultés d'avoir des propriétés foncières à cultiver pour nourrir les enfants. Selon toujours lui, certains de ces derniers risquent d'abandonner l'école à cause de l'offre. À toute cette difficulté, le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, promet de s'y pencher et invite l'administrateur de la commune Ruhororo à trouver remède à ces problèmes et de faire recours à l'administration provinciale en cas de besoin. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et puis pour boucler cette édition, clôture ce vendredi du championnat militaire d'athlétisme au terrain d'Olympia Africa de Bujumbura, général de brigade Télésport Barandereka, chef de service chargé de l'instruction, entraînement et opération à la force de défense nationale du Burundi, a fait savoir que cette compétition permet aux militaires de développer leur performance athlétique et de renforcer leur capacité d'accomplir leur mission. Suivez-le. C'est une activité qu'on fait chaque année, Le but de cette activité, c'est de développer les performances opérationnelles, développer les performances pour nos militaires. Ça permet aussi de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe et le degré de combativité pour que nos militaires puissent accomplir leur mission qui leur est assignée avec bonne santé. Nous avons vu que nos militaires ont des performances qui peuvent leur permettre de faire des compétitions au niveau national et même au niveau international. C'est le but même de cette compétition, de pouvoir sélectionner des athlètes au profit du club Muzinga et pourquoi pas au profit même de la Fédération nationale d'athlétisme qui peuvent faire rayonner l'image de la FDNB et même l'image du Burundi au niveau national et même au niveau international. Général de brigade Télésport Barandereka, propos recueillis par Étienne Manirakiza. Et c'est la fin de cette édition. Alphonse Kubwimana a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza.